إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وكما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فلم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد قول لا إله إلا الله عاصما للدم والمال ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة معناها مع التلفظ بها عاصما للدم والمال ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإقرار بذلك عاصما للدم والمال حتى يجمع إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله رب العالمين وكفر بما يعبد من دون الله رب العالمين وهذا الأمر لا يتم إلا بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله رب العالمين أو بالكفر بجميع الأنداد وكل الوسائط التي تتخذ بين العبد وربه مع إخلاص التوحيد لله جل وعلا فيأتي بالنفي والإثبات مع وبهما أرسل الله رب العالمين المرسلين فالولاء والبراء من حقوق كلمة التوحيد لا إله إلا الله فالولاء لغة مأخوذ من ولي الشيء إذا قرب منه فالولي هو القريب والبراء هو القطع والانفصال فالبراء هو الانقطاع والانفصال عن الشيء وأما شرعا فالولاء هو محبة المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولى شؤونهم والبراء هو البراء من المشركين والكفار والبعد عنهم وذلك ببغضهم وعدواتهم والبراء من دينهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله تعالى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وقال سبحانه وتعالى: لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن الولاء المناصرة والمظاهرة لهم، وهي مناصرة الكفار على المسلمين، فمن أحب الكفار وناصرهم على المسلمين فهو كافر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالولاء للكفار يكون بالمحبة لهم والمناصرة لهم بالأقوال، مثل مدح الكفار والثناء عليهم، والأفعال مثل مناصرة الكفار والتشبه بهم، إلى غير ذلك من أنواع موالاة الكفار. والبراءة أن تتبرى من دين المشركين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأ منهم ومن دينهم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فتبرأ منهم ومن دينهم. ومن البراء أيضا أنك لا تستغفر للمشرك والكافر حيا أو ميتا، فإن كان حيا فإنك تدعو له بالهداية ولكن لا تدعو له بالمغفرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالبراءة تكون من المشركين وتكون من دينهم أيضا، كما في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا معناه البراء من دينهم، وليس كما يظن بعض الناس أن معناه الموافقة لهم على دينهم، وأن كلا له دينه وكلا حرا في عقيدته كما يدندنون الآن. فلو كان الإنسان حرا في عقيدته لما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا شرع الجهاد. فالعقيدة لابد أن تكون واحدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن كفر وأراد نشر الكفر والقضاء على الإسلام فإنه يقاتل، وهذا من مسؤولية ولي الأمر الذي يأمر به. فهذا هو الولاء والبراء: البراء من المشركين والبراء من دينهم وهذا يستدعي أن المسلم يبتعد عنهم فلا يصادقهم ولا يصاحبهم ولا يؤاخيهم فيبتعد عنهم غاية البعد ويحذر منهم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله كما قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنا إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فلا يجوز التنازل عن شيء من ديننا لإرضائهم بل نتمسك بديننا ولا نتنازل عن شيء منه لأجل إرضائهم فهم لن يرضوا حتى ننسلخ من ديننا كليا كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا الذي يريدون أن نترك ديننا ونسير معهم قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فهم لا يرضيهم التنازل عن شيء من ديننا بل لا بد أن نترك ديننا كله ونتبعهم هذا الذي يريدون ونحن لا نتنازل عن شيء من ديننا أبدا لأن التنازل عن شيء من الدين هو المداهنة المنهي عنها كما قال تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنون فيدهنون وقال فبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون أي تتركون شيئا منه إرضاء للكفار فلا يجوز التنازل عن شيء من القرآن أو من الدين لأجل إرضائهم بل نتمسك بديننا وبقرآننا نعم لا مانع أن نتعامل معهم بالمعاملات الدنيوية والتبادل المصالح بالبيع والشراء والتجارة والتعاقد معهم على إقامة المصانع والاستفادة من خبرتهم واستئجارهم ليقوموا بأعمال نحتاج إليها وهم يتقنونها هذا كله لا مانع منه وليس هذا من الموالاة بل هذا لمصلحة المسلمين ومما يخدم ديننا ولا مانع أن نتصالح معهم إذا اقتضى الأمر والمصالح على ترك القتال وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وصالح المشركين في الحديبية فلا مانع من التصالح معهم إذا كان المسلمون بحاجة إلى الصلح قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون فإذا كنا لسنا بحاجة فلا نتصالح معهم أما إذا كنا بحاجة إلى هذا فنتصالح بقدر الحاجة وليس هذا من موالتهم بل هذا من أجل نفع المسلمين والناس في باب الولاء والبراء على أقسام القسم الأول منهم من يرى أن الولاء والبراء معناه أننا نقاطع الكفار نهائيا فلا نتعاهد معهم ولا نتصالح معهم ولا نقبل التوافض معهم ولا نقبل إتيان المندوبين والسفراء منهم للتفاهم معنا لأن هذا عندهم الموالاة والحق أن هذا ليس من الموالاة لكن هؤلاء يجهلون هذه المسألة وهذا غلو في الولاء والبراء وهو خلاف ما دل عليه كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين وكان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري مع اليهود وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بطعام اشتراه لأهله والنبي صلى الله عليه وسلم عقد العهد معهم في المدينة وما قاتلهم حتى خانوا العهد ولو وفوا بالعهد لوفى الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وليس هذا من الموالاة ولكن الذين عندهم غلو أو جهل يقولون هذا من الموالاة ومعنى قولهم هذا أننا لا نتعامل معهم بشيء أبدا ولا نتصالح معهم وهذا ليس من الدين وهذا ليس من الدين كذلك نحسن إلى من أحسن إلينا من الكفار كما قال تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وهذا من باب المقابلة والمكافأة على الإحسان وليس من باب المحبة ولا مانع أن يتآلفهم ولي الأمر إذا خشي على المسلمين من شرهم يتآلفهم ويعطيهم شيئا من المال لأجل دفع شرهم حتى إن الكافر المؤلف يعطى من الزكاة كما قال تعالى والمؤلفات قلوبهم ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر هو الذي يعطيهم فيعطى من يرجى إسلامهم من الزكاة طمعا في إسلامهم لا مانع من ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى صفوان بن أمية من المال من مغانم حنين أعطاه الشيء الكثير وهو كافر حتى ألقى الله الإسلام في قلبه فأسلم تألفه صلى الله عليه وسلم حتى أسلم ويعطى من يخاف وشره منهم لكف شره عن المسلمين خصوصا رؤساؤهم المسيطرون عليهم فهذه أمور ليست من الموالاة ويجب على الولد أن يحسن إلى والده الكافر ويبر به وإن كان كافرا هذا من حق الوالد على ولده وهذا من باب المكافأة أيضا قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة صاحبهما في الدنيا معروفة فأنت لا تطعهما في الكفر ولكن تبذل لهما النفع والإحسان البر بهما فحق الوالد لا يسقط عن الولد ولو كان كافرا ولكن لا يحبه إذا كان كافرا بل يتمسك بدينه ولا يطيع والده بترك دينه فهذه قواعد الإسلام وهكذا ينبغي أن يفهم الدين ولا يؤخذ بالعاطفة أو الغيرة الشديدة والجهل وإنما يؤخذ بالعلم والمعرفة فهذا أمور يجب على طلبة العلم أن يفهموها ولا يأخذوا الولاء والبرع عن جهل وهذا هو الطرف الأول طرف الجهال المغالين في الولاء والبراء حتى أدخلوا فيهما ما ليس منه القسم الثاني الذين لا يرون الولاء والبراء ويريدون الناس سواء ويقولون ما علينا من الدين كل له دينه ونحن بنو الإنسان وبنو آدم كلنا سواء ولا يجوز أن يكره أحد الآخر بسبب دينه يسمون البراء كرها ويقولون كره الآخر ويعدونه من الإرهاب المحرم ويقولون لا تكره أحدا من بني البشر وعليك بالإنسانية وبنو آدم كله إخوان لا فرق بين كافر ومسلم والعياذ بالله هكذا ينادون الآن ويطالبون بإسقاط الولاء والبراء من الإسلام ولو تمكنوا لمسحوا الآيات التي في القرآن في موضوع الولاء والبراء ويقولون لأن هذا يشوه المسلمين ويشوه الإسلام فهم على طرف النقيض مع الغلاة هؤلاء مفرطون وأولئك مفرطون والقسم الثالث أهل الوسطية والاعتدال الذين يرون الوجوب الموالى في الله والمعادة في الله لكن ليس معنى ذلك أن نظلم الكافر أو نقتل المعاهدين بل نفجي لهم بعهدهم ما وفوا لنا مصداقا لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أي لا يجرمنكم بغضهم وعداوتهم على أن تظلموهم، بل العدل واجب مع المسلم ومع الكافر، فلا يجوز الظلم بحال من الأحوال. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهكذا يأمرنا ديننا، وهو دين الاعتدال، فنحن نبغض الكفار ونبغض دينهم، ولكن لا نظلمهم ولا نقتل المعاهدين منهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. انظر مع أن القاتل مسلم مؤمن توعده الله بأنه لا يجد رائحة الجنة، مع أنه قتل كافرا، ولكن لما كان الكافر له عهد صار قتله غدرا في الإسلام وتعنا في الإسلام، فالذي يقتله طعن في الإسلام من حيث لا يدري ويظن أنه ينصر الإسلام. يقول: أقتل الكافر نصرة للإسلام، بل يقال له: أنت طعنت في الإسلام وخذلته، لأنك شوهت الإسلام حتى يظن الناس بأنه دين الغدر والخيانة. حتى إن المعاهد إذا قتل خطأ ففيها الدية والكفارة مثل المسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فيجب في قتل الكافر المعاهد خطأ ما يجب في قتل المؤمن خطأ. لماذا؟ لأنه معاهد وهو أخطأ في حق الإسلام، وهذا الذنب يحتاج للكفارة. وأما إذا قتله عمدا فعليه الوعيد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فيجب أن نعرف هذه الأمور وهذه المبادئ في الولاء والبراء، فلا نكون من المفرطين ولا مع المفرطين، بل نكون على الوسط والاعتدال على ما تقتضي النصوص الشرعية. والولاء والبراء مقامها عظيم في الإسلام، وهما من أصول الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب والبغض يجب أن يكون في الله وليس من أجل الدنيا. فلو أنه ما أعطاك شيئا أو أخذ منك شيئا هل تبغضه؟ الجواب: لا. لكن تحبه في الله أو تبغضه في الله ليس لأجل الدنيا، هذا أوثق عرى الإيمان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقال في ختام كلامه: وقد صارت عامة الناس مؤاخة الناس على أمر الدنيا فذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الباب باب عظيم، وهو أوثق عرى الإيمان. والآيات في القرآن الكريم كثيرة في حب المؤمنين وبغض الكافرين، وموالة المؤمنين ومعادة الكافرين. وهذا من حقوق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فكما أن لا إله إلا الله براءة من الشرك، فهي أيضا براءة من المشركين. وكما أنها محبة الله وعبادة الله، فهي أيضا محبة للمتقين والمؤمنين وبغض المشركين. فأنت تحب من يحبهم الله وتعادي من عادهم الله. والله تعالى قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين لأنهم أعداؤه، فأنت لا تحبهم، بل تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. هذا هو المقياس في الحب والبغض والولاء والبراء، تابع لمحبة الله وبغض الله للأعمال والأشخاص. فأنت لا تحب من الأشخاص إلا من يحبه الله، ولا تحب من الأعمال إلا ما يحبه الله، ولا تبغض من الأشخاص إلا من يبغضه الله، ولا تبغض من الأعمال إلا ما يبغضه الله. فيكون حبك وبغضك تابعين لمحبة الله وبغضه سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى العبادة، وهو معنى الولاء والبراء على حقيقته. فهذه هي الضوابط في هذا الباب العظيم الذي زلت فيه كثير من الأقدام، وضلت فيه كثير من الأفهام بسبب عدم الرجوع إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين. فحصل ما حصل بسبب الإهمال والتفريط من الفريقين، فريق الغالين وفريق المتساهلين. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Craignez Allah Azza wa Jal où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez. Craignez Allah Azza wa Jal, que tu sois seul ou en groupe. Crains Allah et sache qu'Allah nous observe constamment et que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Serviteur d'Allah, craignez Allah et Allah vous donnera la bonne compréhension de la religion. Craignez Allah Azza wa Jal et ne mourrez qu'en étant musulman soumis à Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut, et que la meilleure des voix des guidés est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que toutes les mauvaises choses sont, et les pires des choses sont les choses inventées dans la religion d'Allah Azza wa Jal afin de se rapprocher d'Allah par cet acte inventé, basé sur aucune preuve. Et que toutes ces choses inventées dans la religion d'Allah, basées sur aucune preuve, ni du Coran, ni de la Sunna, ni du consensus de cette Ummah, sachez que toutes ces choses inventées sont des innovations religieuses, et que toute innovation religieuse est un égarement, et que tout égarement mène au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Serviteur d'Allah, l'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal par le pur monothéisme. Que l'adoration ne soit qu'à Allah exclusivement. Et cela implique l'obéissance à Allah le Très-Haut et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: quiconque mécroit au Tarout. Au Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou toute chose qui demande à ce qu'il se fasse adorer. Toutes les choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, pour résumer. Donc quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et ça, c'est la ilaha illallah. Quiconque mécroit au Tarout, ça c'est la ilaha première partie qui est la négation. Mais crois en Allah, ceci est l'affirmation, c'est illallah. Saisis l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah, et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens deviennent sacrés, son jugement est à Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné le caractère sacré du sang et des biens lorsque la condition est requise, qui est la mécréance à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Celui qui dit la ilaha illallah, qui le prononce, qui comprend son sens, mais qui ne mécroit pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. Il n'a pas les conditions de la ilaha illallah. Celui qui accepte ce que signifie la ilaha illallah, mais ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. C'est la condition de la ilaha illallah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith authentique, a dit: Maftahul janna la ilaha illallah. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Mais vous savez que toute clé a des dents. Et que les conditions de la ilaha illallah, parmi la condition sine qua non de la ilaha illallah, c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc si tu ne mécrois pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu as beau le répéter 100 fois, 2000 fois, 10 000 fois, si tu le veux, ou 1 milliard de fois, ça ne te sera bénéfique en rien, jusqu'à ce que tu joins à cela la mécréance en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ces versets et ces hadiths montrent l'alliance et le désaveu en islam que l'on appelle « el-wala ou el-bara » qui sont indispensables et nécessaires afin de parfaire le droit de « la ilaha illallah ». Linguistiquement, l'alliance « el-wala » en arabe a pour racine le fait de prendre, allier une chose s'il s'en rapproche. Le « wali », celui qui est pris pour allié est celui qui est proche. Le désaveu, el-bara, en arabe, c'est la rupture, la dissociation d'une chose. Et selon la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'alliance, l'alwala, signifie l'amour des croyants et les supporter, les aider et s'allier avec eux dans leurs affaires. Tandis que le désaveu, el-bara, signifie le désaveu des polythéistes, des mécréants et l'éloignement d'eux, cela en les détestant, en les prenant pour ennemis et en se désavouant de leur religion. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset: « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. » Jusqu'à la parole d'Allah Azza wa Jal dans ce verset de Sourat Al-Ma'ida, où Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Et Allah Azzawajal dit, dans la traduction du sens du verset, « Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. » Concernant l'alliance et l'Ouala, il y a le fait de supporter, de les supporter, de manifester son alliance avec eux. Il y a le fait de les supporter et de manifester son alliance avec eux, tel que supporter les kuffars, les mécréants contre les musulmans. Quiconque aime donc les mécréants, quiconque les aime, les supporte contre les musulmans, celui-ci est un kafir, un mécréant, tel qu'Allah Azzawajal dit dans la traduction du sens du verset, ceux qui ont cru, émigré et lutté de leur bien et de leur personne dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes lié par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez, et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi en rompant les liens avec les kuffars, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Ce verset montre également l'obligation de la hijra pour tous les musulmans de quitter les pays de kufr et de vivre dans les pays musulmans afin de concrétiser le désaveu physique des mécréants, telle la parole d'Allah dans la traduction du sens du verset que je viens de lire. Vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. D'où la nécessité de renouveler chaque jour son intention de faire des efforts afin de quitter ces pays de kufr et d'aller vivre dans les pays musulmans comme qu'Allah nous le facilite à tous. Donc l'alliance avec les kuffars, les mécréants, et dans l'amour avec les mécréants en les supportant par la parole, telle que complimenter les mécréants, leur rendre hommage par les faits, tels que supporter les mécréants, les imiter, vouloir faire comme eux, ils s'habillent comme ça et on fait comme ça, ils célèbrent les fêtes des kuffars qui vont arriver dans les fins d'année et ils vont se ruer dans les magasins parmi ceux qui s'affilient à l'islam afin de faire comme eux et d'acheter un sapin comme eux et de distribuer des cadeaux comme eux et d'acheter une dinde et de remplir une table de 5 mètres de long et dire non, on fait pas ça pour comme eux, c'est juste entre nous. La ilaha illallah. Et le jour du Aïd, les maisons sont vides et j'ai pas le temps, je travaille. Donc, l'alliance avec les kuffars, les mécréants, elle se fait dans l'amour avec l'envers les mécréants, en les supportant. En les supportant par la parole, le fait de les complimenter, leur rendre hommage. Elle se fait également par les faits. Le fait de supporter les kuffars, les mécréants, les imiter et tout ce qui est inclus dans les types d'alliances avec les mécréants. Le désaveu, c'est que tu te désavoues de la religion des mouchriquines, des polythéistes. Comme Ibrahim, alayhi salam, et ceux qui étaient avec lui, ont dit, dans la traduction du sens du verset, « Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. » Ils se sont désavoués d'eux et de leur religion. Nous vous renions entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et lorsque Ibrahim, alayhi salam, comme dans la traduction du sens du verset, et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Il s'est ainsi désavoué d'eux et de leur religion, également parmi le désaveu. Il y a le fait que tu n'invoques pas Allah en faveur du kafir et du polythéiste dans la demande de pardon. Tu ne demandes pas à Allah de leur pardonner, et ceci durant leur vivant ou après leur mort. Si le kafir ou le mushrik est vivant, tu invoques Allah Azzawajal qu'il le guide vers l'islam, mais tu n'invoques pas Allah qu'il lui pardonne. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset, « Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. » Et ceci est une réputation à cet grand innovateur du nom d'Al-Qadraoui, qui a demandé miséricorde au grand mouchrik de pape lorsqu'il est décédé. Ibrahim a.s. ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim a.s. Ibrahim était certes plein de solitude et indulgent dans la traduction du sens du verset. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, dans Sourate Al-Kafiroun, dit « Ô vous les croyants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. » Ceci signifie le désaveu de leur religion. Et ce n'est pas comme certains qui pensent en récitant Sourate Al-Kafiroun. Que pensent certaines personnes que cela signifie que nous sommes d'accord avec eux sur leur religion et que chacun a sa religion et que chacun est libre dans sa croyance, comme les ignorants et les égareurs ne cessent de bourdonner cela concernant cette sourate. Mais si l'individu avait été libre dans le choix de sa croyance, pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il envoyé les messagers et fait descendre les livres? Et pourquoi alors le jihad fut-il légiféré? Il est impératif que la croyance ne soit qu'une, c'est-à-dire l'adoration exclusive à Allah Azza wa Jal seul, sans aucun associé, tel qu'Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, a dit dans la traduction du sens du verset, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc quiconque mécroit et veut répandre la mécréance et souhaite l'abolition de l'islam, il est du devoir du gouverneur musulman d'ordonner que ce genre d'individu soit combattu. » Ceci est l'alliance et le désaveu des polythéistes et le désaveu de leur religion. Ceci implique que le musulman s'éloigne d'eux, il ne les prend donc pas comme amis, ni comme compagnons, ni comme frères, il s'éloigne donc d'eux, le plus grand des éloignements, et qu'ils prennent garde d'eux, qu'ils ne le détournent pas de ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, telle la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la traduction du sens du verset, « Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors ils t'auraient pris pour ami intime, et si nous ne t'avions raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Il n'est donc pas permis de renoncer ou de délaisser quoi que ce soit de notre religion afin de les satisfaire et afin de leur plaire. Mais nous nous accrochons fermement à notre religion et nous ne délaissons rien de notre religion pour les satisfaire, car ils ne seront jamais satisfaits de nous jusqu'à ce que nous nous détachions complètement de notre religion. Telle la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset, « Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. » C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous délaissions notre religion afin de les suivre et de faire partie de leur vivre ensemble. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. » Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru alors vous seriez tous égaux. Ils ne sont pas satisfaits du délaissement de quelque chose de notre religion. Mais il faut que l'on délaisse toute notre religion et qu'on les suive. Voilà ce qu'ils veulent, mais nous ne délaisserons rien de notre religion du tout. Car compromettre et délaisser des choses de la religion, cela est leur faire des concessions. C'est transiger alors que cela est interdit dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. » Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, « Est-ce ce discours-là, c'est-à-dire le Coran, que vous transigez ?» C'est-à-dire, vous délaissez des choses du Coran afin de satisfaire les kuffars. Il est donc interdit de renoncer et délaisser des choses du Coran ou de la religion afin de les satisfaire. Mais nous nous accrochons fermement et fortement à notre religion et à notre Coran. Lorsque tu meurs, tu seras seul dans ta tombe. À quoi bon courir après ces gens qui ne seront de toute façon jamais satisfaits de toi? Tu as beau faire ton possible afin de plaire à tout le peuple, mais il y aura toujours quelqu'un qui ne sera jamais satisfait. Et en toute vérité, ils ne seront jamais satisfaits de toi. Tu as beau essayer de tout faire, les imiter, parler comme eux, s'asseoir avec eux, boire avec eux, faire tout avec eux, comme eux, en espérant le poids d'un atome de respect de leur part. Ces créatures qui vont toutes avoir une fin, c'est eux que tu cherches à plaire et à courir après. Alors qu'Allah Azza wa Jalla est le vivant, celui qui ne meurt jamais, qui nous a créés pour qu'on l'adore et qu'on l'unifie dans l'adoration, au lieu de plaire à Allah Azza wa Jalla, car c'est ça qui te reste, ta croyance, ta aqida, tu meurs, tu es dans ce trou seul, et le jour de la résurrection, qu'as-tu à présenter? Qu'as-tu à présenter? Je vivais dans un endroit, je craignais pour moi, tu crains pour toi, quitte ce pays. Mais ne cherche pas à vendre et compromettre ta religion pour un poste ou pour un travail. Le rizq ne t'échappera pas. Tu étais dans le ventre de ta mère et Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange qui a déjà écrit ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété pour toi, ce que tu auras en bien, comment tu vivras. Tu ne mouriras pas jusqu'à ce que tu as tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété pour toi en termes de rizq. Mais tu as le choix. Tu suis l'agrément d'Allah et tu le recherches dans le licite, ou tu désobéis à Allah et tu le recherches dans le haram et l'illicite. Cependant, il n'y a pas d'objection à ce que l'on ait des affaires mondaines avec les mécréants, en s'échangeant des intérêts mondains tels que la vente, l'achat, ou bénéficier d'un avantage dans leur expérience, ou avoir des relations pour du travail dont nous avons besoin et qu'ils maîtrisent, et que l'on bénéficie de leur expérience dans tel ou tel travail. Il n'y a pas de problème dans cela, avoir des relations avec les mécréants, et ce n'est en rien une alliance avec eux. Mais cela est dans le bénéfice des musulmans et dans tout ce que peut bénéficier notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même réconcilié avec les juifs, ainsi que les polythéistes lors de Al-Hudaybiya. Donc il n'y a aucune objection à ceux qui sont dans le besoin de cela. Si les musulmans sont dans le besoin de cela. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. » Mais dans le cas où il n'y a aucun besoin, nous ne nous réconcilions pas avec eux. Et dans le cas où il y a un besoin, on se réconcilie avec eux selon le degré du besoin. Et tout cela ne fait en rien partie de l'alliance avec les kuffars. mais c'est pour le bénéfice des musulmans. Et les gens dans Al-Wala ou Al-Bara, dans l'alliance et le désaveu, sont de différentes catégories. La première catégorie sont ceux qui considèrent que l'alliance et le désaveu signifient que l'on se coupe totalement des kuffars et des mécréants. Nous ne faisons pas de pacte avec eux, nous ne nous réconcilions pas avec eux, nous n'acceptons aucune négociation avec eux, que nous n'acceptons pas la venue de leur délégation ni de leur ambassadeur afin qu'ils aient des ententes avec nous. Car pour ces gens de cette première catégorie, ils considèrent que cela fait partie de l'alliance. Et en toute vérité, cela ne fait pas partie de l'alliance. Mais ces individus ignorent ce sujet. Et cela représente de l'extrémisme dans l'alliance et le désaveu. Et cela est à l'opposé de ce que prouve le livre d'Allah et la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était réconcilié avec les polythéistes. Et il sallallahu alayhi wa sallam vendait et achetait avec les juifs. Et il décéda sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort sallallahu alayhi wa sallam. Et son armure avait été mise sous caution chez un juif pour acheter un repas pour sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un pacte avec les juifs à Médine. Et il ne les a pas combattus jusqu'à ce qu'ils aient trahi le pacte. Mais s'ils avaient préservé le pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait préservé. Et tout cela ne fait pas partie de l'alliance. Mais ceux qui ont de l'extrémisme ou de l'ignorance disent que cela est de l'alliance avec les kuffars. Leurs propos disant qu'ils ne font pas d'affaires avec les mécréants du tout, cela ne fait pas partie du tout de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Également, nous sommes bons avec ceux parmi les mécréants qui sont bons avec nous. Dans la traduction du sens du verset, Allah Azza wa Jalla dit: Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Ceci est en contrepartie du fait qu'ils aient été bons avec nous. Alors, nous le sommes avec eux. Et cela ne fait pas partie de l'amour. Et il n'y a pas d'objection à ce que le gouverneur musulman soit bon avec les mécréants s'il craint leur mal envers les musulmans, notamment en leur donnant de l'argent afin de repousser leur mal. Même le mécréant pour qui on leur souhaite l'islam, il leur est donné la zakat, telle la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la traduction du sens du verset, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Cependant, cette tâche revient au gouverneur de l'ordonner, au gouverneur musulman de l'ordonner. Il donne donc à ceux dont ils souhaitent leur islam. Et il n'y a pas d'objection dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Safwan ben Umayya de l'argent provenant du butin de la bataille de Hunayn. Il lui a donné beaucoup, malgré qu'il était un mécréant, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal fasse entrer dans son cœur l'islam et il devint musulman. Il est également donné à qui leur mal est craint, afin d'empêcher qu'un mal ne touche les musulmans, et plus spécialement au président qui les domine, et tout cela ne rentre pas dans l'alliance. Vous voyez l'incompréhension de cela. Des gens voient des personnalités politiques rencontrer des dirigeants de nos pays musulmans, et ils disent: regardez avec qui, Et ils disent que cela c'est de l'alliance. Alors qu'il faut comprendre, l'alliance est le désaveu, et non voir une image et regarder, il lui a donné un cadeau. Il faut comprendre la religion et ne pas parler avec ignorance. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a dit: Takallam bi'ilm wa usmut bi'ilm. Parle avec savoir ou tais-toi par sagesse. Il est également obligatoire au fils dont le père est un mécréant, mais le fils est musulman. Il est obligatoire au fils de se comporter de la meilleure des manières avec son père qui est resté sur la mécréance. Il est correct avec lui, même si c'est un kafir, car cela fait partie du droit des parents. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a portée, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors tu ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Reste avec eux ici-bas de façon convenable, c'est-à-dire que tu ne les obéis pas dans leur mécréance, mais tu dépenses pour eux et tu te comportes de la meilleure façon avec eux, car le droit du Père ne devient pas invalide, même s'il est mécréant, mais le Fils se doit de ne pas l'aimer s'il est mécréant et se doit de se cramponner à l'islam et n'obéit pas à ses parents quant au fait de délaisser sa religion. Donc le droit du Père ne s'invalide pas même s'il est mécréant. Le droit du Père, c'est-à-dire le fait qu'il reçoit un bon comportement de son fils qui est musulman, ne s'invalide pas, mais on ne mélange pas les choses. Le Père qui ne fait pas ses salettes 5 fois par jour, c'est un kafir, et la viande dont il égorge est haram. Comme l'imam Malik rahimahullah a mentionné, le sacrifice de celui qui ne prie pas, eh bien la viande est haram. Et le père qui ne prie pas, s'il a des filles, il n'a pas le droit d'être le tuteur si elles viennent pour se marier. Mais on doit voir qui parmi ses frères, les frères du père, font la salate. On regarde du côté du père afin qu'il puisse être le tuteur légitime. Mais pour revenir à notre sujet, le droit du père qui est mécréant dans le bon comportement, son droit reste valide, dans le sens qu'il doit s'occuper de ses parents et ne pas agir comme ces ignorants qui ont exécuté leurs parents une fois qu'ils se sont convertis. Car c'est des kofars et donc ils les tuent. Voyez où le jahl mène. Vous voyez l'importance du savoir en islam. C'est ainsi que la religion doit se comprendre, par ses règles et non par l'émotion, ni par la jalousie excessive ou l'ignorance. Mais c'est en prenant la religion avec science et connaissance. Lorsque l'alliance et le désaveu est prise avec ignorance, des individus tombent dans les extrêmes jusqu'à y faire entrer ceux qui n'en font pas partie. La deuxième catégorie d'individus sont ceux qui ne concrétisent même pas l'alliance et le désaveu. Et on les entend aujourd'hui. Et ils voient les gens comme étant tous pareils. Ils disent, ne nous préoccupons pas de la religion. Chacun a sa religion, et nous sommes tous des fils d'humains, nous sommes tous des fils d'Adam, nous sommes tous pareils, et il n'est pas permis de détester quelqu'un à cause de sa religion. Il nomme le désaveu comme étant une chose détestable. Et disent que le désaveu, c'est détester l'autre en comptabilisant le désaveu comme faisant partie du terrorisme qui est strictement interdit en islam. Ils disent, ne déteste personne des enfants de l'humain. Voilà comment ils sortent leur philosophie. Ils viennent et te disent, ne déteste personne des enfants de l'humain. Nous sommes tous des fils d'Adam, mais tu te dois de te tenir à l'humanité, l'humanisme, hein? Et les fils d'Adam sont tous frères. Wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jal dit innamal mu'minuna ikhwa. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Hujurat, les frères sont des croyants. Il n'a pas dit innamal mu'minuna wal kafirun ikhwa. Il a dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Et la fraternité, hein, la fraternité n'existe qu'en islam. Allah Azza wa Jal dit dans sourate At-Tawbah sur les polythéistes. Wa in tabu fa in tabu wa aqamu as-salat wa atu az-zakat fa ikhwanukum fi ad-din. S'ils se repentent du shirk, font la prière et donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. Donc voilà ce que ces égarés, égareurs recherchant un siège politique, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, ne déteste personne des enfants de l'humain, Mais tu te dois de te tenir à l'humanité. Et les fils d'Adam sont tous des frères. Et il n'y a pas de différence entre un mécréant et un musulman. Oudou billah. Voilà à quoi ces individus invitent de nos jours. Ils demandent à mettre fin à l'alliance et au désaveu de l'islam. Et s'ils avaient pu, ils auraient effacé tous les versets du Coran concernant le sujet de l'alliance et du désaveu. Car selon eux, cela donne une mauvaise image de l'islam et des musulmans. Cette deuxième catégorie est dans l'opposition totale de la première catégorie des extrémistes dans l'alliance et le désaveu. Ceux-là sont les deux extrêmes. Ceux qui mettent dans l'alliance et le désaveu ceux qui n'en font pas partie, et ceux qui renient complètement l'alliance et le désaveu. La troisième catégorie sont ceux du juste milieu, ceux qui considèrent l'obligation de l'alliance en Allah et l'animosité en Allah. Mais cela ne signifie pas que l'on soit injuste avec les mécréants ou que l'on tue ceux qui sont sous un pacte. Non. Mais nous respectons les pactes. Comme je le dis très souvent, ta carte d'identité ou ta carte de séjour, c'est un pacte qu'il y a entre toi et ce gouverneur kafir en France. Tu es sous un pacte. Tu ne peux pas trahir ce pacte. Tu te dois de respecter ce pacte et ne pas suivre la voie des égarés et des innovateurs parmi les Khawarij et la secte des frères musulmans. Donc, nous respectons les pactes tant que les respectent, en conformité avec la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. C'est-à-dire que l'animosité et la haine des mécréants, par le désaveu en islam, ne doit pas t'inciter à être injuste avec eux. Mais il faut être juste, car la justice est obligatoire avec le musulman, et c'est obligatoire avec le mécréant, tandis que l'injustice et l'oppression est strictement interdite. Et ceci dans n'importe quelle condition. Pourquoi ? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ettaqillahi haythu ma kunt » Crains Allah où que tu sois. Où que tu sois. Allah azza wa jal dit. Et le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très important. Ettaqillahi haythu ma kunt. Méditez sur ce hadith authentique. Crains Allah où que tu sois. Wattabi'a sayyi'ata al-hasana tamhuha. Fais suivre la bonne action, pardon, fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Et les gens, ça inclut les musulmans et les kofars. Ce sont les gens en général. L'animosité et la haine des mécréants par le désaveu en islam ne doit pas t'inciter à être injuste avec eux. Mais il faut être juste, car la justice est obligatoire avec le musulman et avec le mécréant, tandis que l'injustice et l'oppression est strictement interdite, et ceci dans n'importe quelle condition. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset « Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée vous inciter à transgresser. » Ne laissez pas la haine pour un peuple, même ceux qui ont empêché, qui vous ont empêché d'aller, concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ou les mouchriquines et les kofars, les empêcher d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Ne laissez pas la haine pour un peuple, et en plus qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. La transgression est interdite en islam. Le musulman est quelqu'un de droit, de juste, qui ne trompe pas, qui ne trahit pas, et qui ne se cache pas, ou qui essaie de faire passer une image et en cacher une autre. Ce n'est pas un caméléon, mais c'est quelqu'un qui a des principes, qui est droit et qui est ferme. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. C'est ainsi que notre religion nous ordonne. Car c'est la religion de la justice, de la modération. Nous détestons les mécréants et nous détestons leur religion, mais nous ne les oppressons pas. Et nous ne combattons pas ceux qui sont sous impact, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque tue un individu sous impact ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur se sent d'une distance de 40 années. Voyez donc la menace de ne pas trouver l'odeur du paradis pour celui qui tue un individu sous impact, sachant que celui qui a été tué était mécréant. Mais comme le mécréant qui a un pacte, comme par exemple un touriste qui va dans nos pays musulmans, il est sous un pacte, il est rentré sous une autorisation du gouverneur. Donc, celui qui tue un mécréant qui est sous un pacte, malgré que c'est un mécréant, mais il est sous un pacte, eh bien, il est sous la menace de ne pas sentir l'odeur du paradis. Alors que cet individu qui fait ce genre de choses s'imagine donner la victoire à l'islam en disant qu'il tue un mécréant pour la victoire de l'islam. Mais nous lui répondons: tu as déconsidéré l'islam, tu as dénigré l'islam, tu as trahi l'islam, car tu as sali l'islam jusqu'à ce que les gens pensent que c'est une religion déloyale et une religion de traîtrise. Celui qui est sous un pacte, s'il est tué par erreur, la famille reçoit, comme la famille du musulman tué par erreur, la diya, c'est-à-dire le prix du sang. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Jusqu'à la parole d'Allah, dans la traduction du sens du verset: s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant, celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Ce qu'il faut pour la famille du musulman tué par erreur, il le faut pour le mécréant tué par erreur. Pourquoi ? Car ce mécréant était sous un pacte. Et celui qui l'a tué a fait une erreur dans le droit de l'islam. Et c'est un péché qui nécessite une expiation. Tandis que celui qui tue délibérément un mécréant étant sous un pacte, celui-ci est sous la menace de ne pas sentir l'odeur du paradis, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. Nous nous devons donc de comprendre l'alliance et le désaveu en islam, qui a une place essentielle dans l'islam, cela faisant partie de ses fondements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour en Allah et l'animosité en Allah. L'amour et l'animosité se doivent d'être qu'en Allah et non pour ce bas monde. Si quelqu'un te donne une chose ou ne te la donne pas, est-ce que tu vas te mettre en colère pour cela? La réponse est non. Car tu l'aimes en Allah ou tu le détestes en Allah. Et non pour la dunya. Et ceci est l'anse la plus solide de la foi. L'alliance et le désaveu font donc partie de la ilaha illallah. Le désaveu de l'associationnisme, du polythéisme. Mais c'est également le désaveu des polythéistes et des mécréants. Tout comme c'est l'amour en Allah et l'adoration d'Allah, c'est aussi l'amour des gens pieux et des croyants et l'animosité des polythéistes. Donc tu aimes ce qu'Allah aime et tu prends pour ennemi ce qu'Allah a pris pour ennemi. Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset: ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Allah Azza wa Jalla n'aime pas les mécréants car ils sont ses ennemis. Donc toi, tu ne les aimes pas. Mais tu aimes ceux qu'Allah aime et tu détestes ceux qu'Allah déteste. Ceci est la jauge dans l'amour et l'animosité, dans l'alliance et le désaveu, suivant l'amour d'Allah et l'animosité d'Allah contre les œuvres et les personnes. Donc toi, tu n'aimes des gens que ceux qu'Allah aime et tu n'aimes des œuvres que celles qu'Allah aime et tu ne détestes des œuvres que ceux dont Allah déteste. Ton amour et ton animosité se doivent d'être dans le suivi de l'amour et l'animosité d'Allah Azza wa Jal. Ceci est le sens de l'adoration et le sens de l'alliance et du désaveu dans lequel beaucoup se sont égarés dû à leur éloignement du livre d'Allah et de la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains peuvent avoir une sorte d'ambiguïté concernant ce qui se passe actuellement avec les groupuscules terroristes. Et ils mettent des choubhas dans la tête des gens en voulant utiliser ces versets de l'alliance et du désaveu en disant « Regardez, vous nous combattez, nous. » Voilà ce qu'ils disent et voilà comment ils trompent. Mais tous ces groupuscules terroristes, qu'ils soient Boko Haram ou Daesh ou Shebab ou Akmi, peu importe son nom, tous ces groupuscules terroristes sont tous des Khawarij et leur jugement est clair en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il serait encore vivant lorsqu'ils apparaîtront, ces Khawarij, il les abattrait tel le peuple de Ad fut abattu. Et nous savons tous que le peuple des Ad sont des kofars. Une partie d'entre eux qui n'ont pas voulu, hein, seule vraiment une minorité a suivi Ad. Tous ceux qui l'ont désobéi et ont refusé de le suivre sont tous des kofars et ont reçu un dur châtiment. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je les abattrai tel que le peuple de Ad fut abattu. Et ceci est réservé au châtiment du kafir. C'est pour cela que des ulémas ont rendu mécréants les khawarij. Et que ces khawarij, lorsqu'ils apparaissent, ils doivent être combattus. Ils doivent être combattus. Car ils font des dégâts dans la communauté. Ils combattent l'islam. Ils ont des alliances secrètes avec les kofars. Tout cela pour rabaisser l'islam. Regardez de nos jours. Tu viens pour travailler. Et il y a des contacts entre les fiches S, etc. Et on te fait des difficultés à trouver du travail. C'est un combat commun pour que tu délaisses ta religion, que tu compromettes ta religion en te faisant passer pour quelqu'un de moins musulman. Mais si tu meurs dans cet état, que diras-tu devant Allah Azza wa Jal? La terre d'Allah Azza wa Jal est vaste. Serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt, tabarak ta rabbana wa ta'alayt. Allahumma arina al-haqq haqqa warzuqna tiba' wa arina al-batil batil warzuqna ash-shinab. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill ash-shirka wal-mushrikin wa dammar a'da'aka a'da'u ad-din wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.